طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. وصلنا في كتاب القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى للشيخ العالم الرباني الإمام محمد بن الصالح العثيمين. وصلنا عند القاعدة الثالثة من القواعد في الأدلة، في أدلة الأسماء والصفات. Donc, on est arrivé jusqu'à la troisième règle de ce livre, Qawa'id al-Muthla, de Cheikh al-Uthaymeen. La troisième règle portant dans le chapitre, ou concernant le chapitre, incluant à la fois les preuves concernant les noms divins ainsi que les attributs. Donc on est toujours dans cette partie du livre qui est la dernière, l'une des dernières parties du livre qui évoque les règles spécifiques au nom et à la fois au nom et aux attributs divins. Donc on a la troisième règle. قال الشيخ العثيمين عليه رحمة الله: القاعدة الثالثة: ظواهر نصوص الصفات معلومة لنا باعتبار ومجهولة لنا باعتبار آخر. Donc la troisième règle, Cheikh Al-Uthaymeen dit que le sens apparent des textes portant sur les attributs nous sont connus, nous semblent connus d'une part, et méconnus d'une autre. Et en fait, cette règle-là, Juan, c'est un complément de la règle précédente. Al-wajib fi nusus al-Qur'an wa-sifa, al-Qur'an wa-sunnah, ijra'uha ala zahiriha. Donc c'est un complément de la règle précédente qui disait que ce qui est obligatoire ou l'obligation en ce qui concerne les textes du Coran et de la Sunna, c'est de les comprendre dans leur sens apparent. Dans leur sens apparent. Sauf si, toutefois, il y a une preuve ou un indice qui nous prouve que ce n'est pas le sens apparent qui est visé par le texte. Donc, étant donné que dans cette règle, la deuxième, on affirme l'obligation de prendre le sens apparent des textes, il fallait évoquer en guise de complément que le sens apparent du texte il a madame on peut le on peut le prendre on peut le comprendre de deux points de vue. Tamam. Et c'est ces deux points de vue là que Cheikh Al-Uthaymeen va expliquer dans cette règle. Donc il dit que يعني ظواهر النصوص الصفات معلومة لنا باعتبار. Le sens apparent des textes concernant les attributs nous est connu d'un certain point de vue et nous est méconnu d'un certain autre point de vue. Tamam. فباعتبار المعنى هي معلومة. Donc si on regarde, si on se base sur Le sens, la base du sens. La base du sens de ce mot, de cet attribut. Par exemple, la main. Baliyadahumabsotatan. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala, il dit que ses deux mains sont étendues et élargies. Sont étendues. Lorsqu'il dit que ses deux mains sont étendues, la base du mot main, la base du mot main, on le comprend. C'est une, yani la base de ce mot est une chose, yani, c'est-à-dire, c'est une, yani, un sens que l'on comprend, que l'on conçoit. Très bien. طيب. وباعتبار الكيفية التي هي عليها مجهولة. Mais si on parle du point de vue du comment est cet attribut, en l'occurrence la main, comment elle est, alors ça nous est totalement, ça nous est totalement méconnu. Naam. Et personne ne peut savoir cela en dehors d'Allah Azza wa Jal. Tamam. Donc, lorsqu'on affirme le caractère apparent des textes, on affirme connaître le sens, la base du sens, mais on affirme également ignorer le comment est cet attribut. Comment est cet attribut. Tamam. Donc ça, c'est en gros la règle qu'on va voir aujourd'hui. قال وقد دل على ذلك السمع والعقل. Et cette règle s'appuie à la fois sur des preuves de l'écoute, c'est-à-dire les preuves du Coran ou de la Sunna. En l'occurrence, ça va être des preuves avec des versets du Coran. Et aussi sur des preuves rationnelles. وأما السمع فمنه قوله تعالى. Et en ce qui concerne les preuves du Coran, il y a la parole d'Allah Azza wa Jal où il dit: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. Un livre que nous avons fait descendre sur toi, béni. Un livre béni que nous avons fait descendre sur toi afin qu'il médite ces versets et pour que cela soit un rappel pour les dotés d'intelligence. وقوله تعالى, et Allah subhanahu wa ta'ala dit également: إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. Nous avons fait de ce livre, ce Coran, un Coran arabe, afin que vous le compreniez. وَقَوْلُهُ جَلَّ ذِكْرُهُ. Et il dit aussi: وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. Et nous avons fait descendre sur toi, ô Mohammed, le rappel afin que tu expliques aux gens ce qui est descendu sur eux comme révélation. Peut-être réfléchiront, ils réfléchiront. نعم. والتدبر لا يكون إلا فيما يمكن الوصول إلى فهمه ليتذكر الإنسان بما فهمه منه. Et donc, Cheikh Al-Uthaymeen, il explique le pourquoi du comment il a évoqué ces versets. Tout simplement parce que la méditation qui est voulue ou qui est ordonnée dans ces versets, la méditation ne peut se faire, ne peut avoir lieu qu'après avoir compris le sens des versets et notamment des passages où les noms et les attributs d'Allah sont évoqués. Par exemple, le fait de méditer sur la venue d'Allah Azza wa Jal. Hein? وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il vient, يوم القيامة, il va venir. Le fait de comprendre la base du mot venir en arabe. Hein, la base du mot venir en arabe. Le fait de le comprendre. Ça c'est malin. C'est d'un caractère capital de comprendre cela pour pouvoir méditer sur ce verset-là. Mais si on dit Allah il vient, mais on ne sait pas ça veut dire quoi venir. Comme ont prétendu certaines sectes, comme nous allons le voir. Ben, si on dit ce genre de choses, en vérité, on place un obstacle ferme devant le fait de méditer certains passages du Coran, en l'occurrence les passages les plus importants, ceux qui parlent d'Allah Azzawajal, ceux qui caractérisent Allah Azzawajal par certains attributs. Non. قال الشيخ العثيمين وكون القرآن عربيا ليعقله نعم وكون القرآن عربيا ليعقله من يفهم العربية يدل على أن معناه معلوم وإلا لما كان فرق بين أن يكون باللغة العربية أو غيرها نعم et aussi le fait que Allah subhanahu wa ta'ala et fait descendre ce Coran en arabe, et qu'il a plusieurs fois évoqué cela, qu'il a plusieurs fois évoqué le fait que le Coran est en arabe. Tout simplement, cela est évoqué dans plusieurs endroits du Coran, tout simplement pour faire comprendre que ceux qui connaissent la langue arabe arriveront à le comprendre. Ceux qui connaissent la langue arabe arriveront à le comprendre. Et si maintenant on dit que il y a des passages du Coran entiers qui n'ont pas de sens, eh ben ça équivaudrait à dire que la langue arabe est égale à n'importe quelle autre langue étrangère. Non. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence entre la langue arabe et une autre langue étrangère. Naam. فلو كان فيه ما لا يعلم معناه لكان في منزلة الكلام الأعجمي. Donc s'il y avait vraiment des choses dans le Coran dont on ne comprend pas le sens, ben ça aurait été égal. Ça aurait fait du Coran l'ego, c'est-à-dire la langue. C'est comme si le Coran était descendu en une autre langue que la langue arabe. Puisque le Coran est descendu sur des Arabes. Donc là, s'il y a dans le Coran des passages qui ne sont pas qui ne sont pas compréhensibles et qui n'ont pas de sens, ce serait pour eux, pour ces Arabes-là, l'équivalent d'une autre langue. Donc il n'y aurait nul besoin et nul mérite à évoquer le fait que cette langue, ce Coran soit descendu en cette langue bénite qui est la langue arabe. نعم. وكذلك يا إخوان لم يأتي دليل قط يدل على أن المشركين حاجج النبي عليه الصلاة والسلام وتعارضوا له مستندين على أن في القرآن ما لا يفهم معناه مطلقا. Il faut savoir aussi que on n'a jamais trouvé la moindre trace d'un associateur de l'époque du prophète عليه الصلاة والسلام qui a réfuté les paroles du prophète alayhi salatu wassalam en disant que il y a dans ces paroles, c'est-à-dire le Coran que le prophète alayhi salatu wassalam récitait, des choses dont ils ne comprennent pas le sens. Dont ils ne comprennent pas le sens. وهذا يدل على أنهم كانوا يفهمون من النصوص ومن نصوص القرآن والسنة ما دالت ظواهرهما. نعم، فصار المشركون أفهم للقرآن وأعرف بمعاني القرآن والسنة من من يدعي تفويض معناهما إلى الله عز وجل. Donc ça, le fait qu'on n'a pas de trace du moindre associateur qui réfute le prophète alayhi salatu wasalam en son temps en disant qu'il y a dans ses paroles des passages que l'on ne comprend pas, dont on ne comprend pas le sens. Ça montre que les mushrikines de l'époque, les associateurs, les politistes de l'époque du prophète alayhi salatu wasalam, reconnaissaient et comprenaient très bien l'essence que recèle ce noble livre, le Coran. Donc ça fait que les mouchriquines de l'époque étaient plus connaisseurs encore que certains innovateurs qui sont apparus bien après l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam. Naam. Taïb, on revient sur les paroles de Cheikh Al-Uthaymeen. يقول وبيان النبي صلى الله عليه وسلم القرآن للناس شامل لبيان لفظه وبيان معناه. Et l'explication du prophète عليه الصلاة والسلام au sujet du Coran englobe l'explication tant dans sa prononciation que tant dans l'explication de ses sens. L'explication de ses sens. Bal, yani, bayan ma'na min al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, hada awkad. Et je dirais même plus que le fait que le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam explique essentiellement les sens de certains versets, ça, ça prévaut sur son explication des alphas, sur l'explication des mots ou de la prononciation du Coran. Naam. Car le prophète, alayhi salatu wasalam, comme a dit Allah Azza wa Jal, « وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ » Le prophète, alayhi salatu wasalam, il a expliqué à ses compagnons les passages qui leur posaient problème. Ça veut dire qu'il n'y a pas un passage sans que le prophète, alayhi salatu wasalam, un passage plus ou moins ambigu pour ses compagnons, sans que le prophète, alayhi salatu wasalam, le leur ait expliqué. Comme a dit Allah Azza wa Jal, « وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمْ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ » وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمْ. هؤلاء عرب يعرفون معنى الظلم. يعرفون معنى الظلم. لكن النبي عليه الصلاة والسلام بين لهم أن هذا الظلم خاص بالظلم الأعظم الذي هو الشرك بالله عز وجل. نعم. وكذلك في قوله تعالى واستعدوا لهم ما استطعتم من قوة. يعني العرب تفهم ما معنى القوة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بين لهم يعني المراد من قول الله عز وجل القوة، فقال ألا إن القوة الرمي. نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم سعى كل سعي في تبيين القرآن لفظا ومعنى، لفظا ومعنى. نعم. donc le prophète عليه الصلاة والسلام a passé son temps à expliquer le Coran, que ce soit les sens ou les sens que recèlent ces versets, les sens qui sont plus ou moins ambigus pour ses compagnons, et ainsi que sa prononciation. Donc le prophète, alayhi salatu wasalam. Donc là, on doit comprendre quoi? Que si les compagnons, ils avaient un quelconque problème, une quelconque problématique vis-à-vis d'un verset, le prophète, alayhi salatu wasalam, leur aurait expliqué quel est le sens de la chose. Mais lorsque on a vu que, ou on comprend que les compagnons n'ont posé aucune question en ce qui concerne les noms et les attributs d'Allah Azzawajal, alors, ça montre qu'ils avaient déjà bien compris le sens. Le sens de ces noms et de ces attributs. Donc, là, le Cheikh Al-Uthaymeen, il nous a évoqué des preuves du Coran prouvant que, madame, les sens premiers des versets du Coran portant, ou des textes du Coran ou de la Sunna portant sur les attributs, sont compréhensibles d'une part. Donc il nous a évoqué les preuves en cela. وأما العقل فلأن من المحال وأما العقل فلأن من المحال أن ينزل الله تعالى كتابا أو يتكلم رسوله عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام بكلام يقصد بهذا الكلام وهذا يقصد بهذا الكتاب وهذا الكلام أن يكون هداية للخلق ويبقى في أعظم الأمور وأشدها ضرورة مجهول المعنى. Donc, et même du point de vue rationnel, on voit qu'il est totalement impossible que Allah fasse descendre c'est-à-dire, quand on dit il est totalement impossible, Allah subhanahu wa ta'ala, il est capable de toute chose. Allah subhanahu wa ta'ala, il est capable de toute chose. Seulement, nous on dit que Mada, ce livre qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre, il n'est pas possible qu'il soit descendu en étant considéré comme étant une guidée, en étant qualifié comme étant une guidée pour la création, et dans un même temps, il y a des passages entiers qui restent inconnus ou incompréhensibles pour l'humanité. فهناك طائفة من الطوائف التي ضلت في باب الصفات وهم أهل التفويض. Il y a une secte qui s'est égarée sur le sujet, et c'est ce qu'on appelle la secte أهل التفويض المفوضة المفوضة. Ceux qui ont renvoyé les sens des attributs d'Allah à Allah Azzawajal. Ça veut dire que eux, tu leur dis, Allah il a une main, ils vont te dire, on affirme le mot main, on affirme le mot main, mais son sens, on ne le connaît pas. On ne sait pas c'est quoi une main. On ne sait pas c'est quoi yani, le sens. Le sens premier du mot, on ne sait pas c'est quoi. Le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala vienne, on affirme qu'il vient, mais on ne sait pas qu'est-ce que ça signifie. Pareil, le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala ait deux yeux, on affirme cela, mais on ne sait pas ce que cela signifie. Ça, c'est la secte qu'on appelle, c'est la manière de penser de cette secte qu'on appelle Al-Mufawwidha. Naam. Tayyib. Qala ويبقى في أعظم الأمور وأشدها ضرورة مجهول المعنى بمنزلة الحروف الهجائية التي لا يفهم منها شيء Donc pour eux, pour cette secte-là, les noms et les attributs d'Allah, ils sont à placer au même degré que les lettres de l'alphabet. Les lettres de l'alphabet qui, chaque lettre en soi, n'indique en rien un sens quelconque. Pour eux, les attributs d'Allah sont pareils que les lettres de l'alphabet. Car aussi, ils ont une croyance en disant que les noms ou les attributs d'Allah Azzawajal, ils sont pareils, on doit les prendre, on doit les comprendre exactement comme les lettres al-huruf al-hijaiyah allati yabda'u biha ou tabda'u biha ba'du suwar. Les lettres de l'alphabet par lesquelles commencent certaines sourates. Alif, Lam, Mim, Ha, Mim, Yani, Sad, wama ila dhalik. Hein? Taïe. Donc eux, ils disent que nous, on ne sait pas pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'est-ce que ça signifie le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a commencé des sourates par l'évocation de ces lettres-là. Donc, pour nous, enfin, pour cette secte-là, les noms et les attributs d'Allah, on doit les comparer à ces lettres-là. Or, cela est totalement faux. Parce qu'Allah, Azzawajal, lorsqu'il commence certaines sourates par ces lettres-là, il y a un but en soi. Il y a un but en soi, comme l'ont expliqué bon nombre de pieux prédécesseurs. Comme Ibn Kathir ou Ghayra. C'est-à-dire que Mada, Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il commence par Alif Lam Mim, il veut par cela prendre au défi les Arabes de l'époque qui étaient les personnages les plus éloquents en langue arabe. Naam. Et donc, il a voulu les prendre en défi en leur disant que Alif, Lam, Mim, ça, c'est des lettres de votre vocabulaire. C'est des lettres que vous employez. Et c'est avec ces mêmes lettres-là qu'on fait descendre Al-Kitab Al-Mubin. Donc, on vous prend en défi de pouvoir constituer un livre de la sorte. Tamam? Donc, même le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala ait évoqué des lettres de l'alphabet, même si ces lettres en soi n'ont pas de sens en soi, le fait de les avoir évoquées de la sorte, ça a un sens et c'est pour mettre au défi les associateurs de pouvoir venir avec un Coran pareil. Non. Taïb. قال لأن ذلك من السفه الذي تأباه حكمة الله تعالى وقد قال الله تعالى عن كتابه كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. Et tout simplement pourquoi c'est pas possible que ce Coran qui a été décrit comme étant une guidée pour les gens il y ait en son sein des passages incompréhensibles. Ben, parce que en vérité, ce serait une idiotie réfutable, totalement, en désaccord total avec la sagesse d'Allah Azzawajal. Avec la sagesse d'Allah Azzawajal, lui-même qui dit au sujet de son livre, Kitabun Uhkimat Ayato, un livre dont les versets ont été détaillés. Wa fussilat min ladun hakimin khabir. Et qui ont été expliqués de la part d'un sage et d'un bien connaisseur. نعم. هذه دلالة السمع والعقل على علمنا بمعاني نصوص الصفات. وأما دلالتهما على جهلنا. Donc ça, on a terminé avec les preuves qui indiquent que l'on connaît les sens. On connaît les sens premiers des textes concernant les attributs d'Allah Azza wa Jalla. وأما دلالتهما على جهلنا لها باعتبار الكيفية فقد سبقت في القاعدة السادسة من قواعد الصفات. Mais en ce qui concerne les preuves qui indiquent que on est à la fois ignorant en ce qui concerne la kayfiyya, alors ces preuves-là, on les a vues dans la règle 6 qui dans le chapitre qui portait sur les attributs. La règle 6 dans le chapitre qui portait sur les attributs. Naam. Et parmi ces preuves-là qu'on a vues là-bas, dans cette partie du livre, il y a la parole où Allah subhanahu wa ta'ala yaqul wa la yuhituna bihi ilma wa kadhalika qawluhu laysa kamithlihi shay wa qawluhu wa la taqfu ma laysa laka bihi ilm inna as-sam'a wal basara wal fu'ad wal fu'ada kullu dhalika aw kullu ulaika kana 'anhu mas'ula. Donc tous ces versets montrent ou prouvent que nous ne connaissons pas le comment sont les attributs d'Allah Azza wa Jal. Donc on connaît le sens premier, mais on ignore le comment. Voilà, c'est tout ce qu'il faut retenir de cette règle, c'est-à-dire que on connaît le sens des attributs, le sens premier des attributs, mais le comment, ça, on l'ignore totalement. نعم. طيب قال وبهذا علم بطلان مذهب المفوضة الذين يفوضون علم معاني نصوص الصفات ويدعون أن هذا مذهب السلف. Et de par cela, on voit le caractère caduc de la voie qu'ont suivi les mufawwidah, ceux qui ont tourné ou ceux qui ont voué les sens premiers des textes portant sur les attributs à Allah Azza wa Jal, hein, et qui ont prétendu que cela était la voie des pieux prédécesseurs. Et il faut faire très attention, Yahouan, il faut faire très attention sur ce genre de prétention. C'est pas toute personne qui prétend être sur la voie des pieux prédécesseurs qui l'est forcément. Naam. Bon, c'est dommage, on n'a pas assez de temps, sinon on aurait détaillé un peu plus. Ala kulli hal, والسلف بريئون, قال شيخ العثيمين, والسلف بريئون من هذا المذهب. وقد تواترت الأقوال عنهم بإثبات المعاني لهذه النصوص إجمالا أحيانا وتفصيلا أحيانا وتفويضهم الكيفية إلى علم الله. Donc Cheikh Al-Uthaymeen dit, donc eux ils prétendent que c'est la voie des salafs, alors que les salafs, les pieux prédécesseurs, se désavouent totalement de cette voie-là. Ils se désavouent totalement de cette voie-là, et qu'on va retrouver dans bon nombre de leurs paroles des citation qui affirme le sens de certains attributs d'une manière détaillée ou d'une manière globale, tantôt détaillée, tantôt globale. Et bien sûr, il détournait le comment et il vouait le comment de la chose à Allah Azza wa Jal. Naam. طيب نكتفي بهذا القدر في هذا الدرس.